Quelle est la différence entre un rêve et un souvenir? Comment nos rêves peuvent-ils corrompre notre mémoire? Et comment se sert-on des souvenirs dans nos rêves? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui vous dit que vous n'êtes pas déjà en train de rêver? Et que c'est parce que vous êtes en train de rêver que vous allez entendre la voix de Christopher Nolan répéter à son tour les phrases que je viens de prononcer. I think I'm very interested in human nature. I'm very interested in the human mind. Ce qui m'intéresse surtout, c'est la nature humaine et l'esprit humain. La mémoire, c'est ça qui fait ce qu'on est et qui fait qu'on sait ce qu'on est. Et Memento traitait de cela. Inception porte sur la relation entre la mémoire et le rêve, et c'est tout aussi fascinant à explorer ce lien entre le souvenir et le rêve. Comment on crée les rêves? Comment on se sert de nos souvenirs, de la mémoire dans nos rêves, comment nos rêves peuvent corrompre aussi notre mémoire. Donc il s'agit d'explorer l'intérieur d'un cerveau humain, ces replis secrets. Bonjour Lionel Nakache. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci beaucoup. Christopher Nolan explore le cerveau humain dans ses films et nous avec lui cette semaine, mais il est loin d'être le seul. Vous êtes neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et professeur à l'Institut du cerveau. Ça veut dire que le cerveau a son institut? Mais oui, le cerveau et même la moelle épinière, mais c'est surtout le cerveau, vous avez raison. Parce qu'effectivement, comme Christopher Nolan vient de le dire, dès lors qu'on s'intéresse à la nature humaine, si on veut l'appeler comme ça, eh bien, notre cerveau n'est pas complètement étranger à cette nature humaine. C'est-à-dire qu'on sait depuis la nuit des temps, ça c'est pas contemporain, que sans cerveau, ben, il n'y a pas vraiment d'activité mentale, pas de subjectivité, etc. On le voit soit dans des cas dramatiques, soit même dans des situations cliniques. Quelqu'un dans le coma n'est pas capable d'avoir une expérience consciente, etc. Donc les relations entre cerveau et esprit, évidemment, c'est une vieille question qui alimente la philosophie, la théologie, les sciences naturelles, une sorte de philosophie naturelle au début, au XVIIe, XVIIIe siècle. Et là, on est en plein dedans, pas qu'on connaisse tout. On peut dire qu'on est extrêmement ignorant, et c'est pas de la fausse modestie de dire ça, mais on a quand même des premières briques assez intéressantes, justement. Écoutez, Christopher Nolan, ce que vous citiez, qui, entre les rapports entre mémoire et rêve, par exemple, on commence à avoir quelques éléments tangibles qui nous permettent d'avoir le début du puzzle. Mais on est très loin d'avoir tout, mais c'est encore une période d'émerveillement, mais déjà informé. Voilà, on peut... Je suis contente que vous soyez en studio avec nous ce matin pour essayer de comprendre et de lire ce film Inception, qui fait beaucoup parler de lui parce que d'aucuns disent qu'on ne comprend pas vraiment l'intrigue, d'autres au contraire qu'elle est limpide mais qu'il faut le voir plusieurs fois. Et votre simple présence ici montre qu'il y a, ça donne presque une caution scientifique à ce film. Ça veut dire que les questions que pose ce film sont des questions que vous vous posez en tant que chercheur. Oui, absolument, et auxquelles on n'a pas encore évidemment de réponse. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment Nolan s'empare et on va voir ça. Et moi, j'ai beaucoup aimé son film. Je l'ai évidemment revu là, mais au moment de sa sortie, je l'avais beaucoup apprécié. Et je pense pas que c'est uniquement comme expert du domaine, etc. Mmh. Mais ça me permettait de voir comment il s'empare de connaissances assez récentes sur la structure du rêve, l'expérience du rêve, la phénoménologie, et puis des vieilles questions. Est-ce qu'on rêve ou est-ce qu'on est rêveur ou pas? Comment arriver à faire la part des choses? Et donc, la façon de laquelle lui traite, en injectant évidemment une dimension artistique, une dimension presque romanesque qui va au-delà de ce que nous on fait au laboratoire, c'est intéressant. Évidemment, on n'est pas d'accord, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il en fait, mais c'est ça qui est marrant aussi, pouvoir voir comment il s'imprègne de cela pour arriver à produire une œuvre très originale. Ouais. Comment est-ce qu'on définit le cerveau? Vous avez une définition du cerveau? Oui, je dirais que le cerveau, c'est plus facile à définir que l'esprit, peut-être. Mais le cerveau, bon, c'est un organe. Alors, si on peut commencer du singulier, du particulier de l'homme, le cerveau de l'homme, on le connaît, on va dire, assez bien dans sa structure. Voilà, donc il est composé, c'est un réseau extrêmement complexe, puisque les composants élémentaires, ce sont des cellules qu'on appelle des neurones. Il y a des neurones, et puis ce qu'on appelle des cellules blanches, les cellules gliales, c'est ça, le décor général. Et juste pour donner un peu une idée de la complexité, pourquoi c'est un organe si complexe, c'est que on estime qu'on a à peu près 80-100 milliards de neurones, donc on est vite dans le vertige des grands nombres, et que chacun de ces neurones communique avec à peu près en moyenne 10 000 voisins. Donc vous avez 100 milliards fois 10 000 divisé par 2, ce qu'on appelle des synapses, des points de contact, et en permanence, ce vaste réseau extrêmement complexe, sans doute le réseau le plus complexe qu'on connaisse aujourd'hui, réseau biologique, est capable de coder des états mentaux, de coder quelque chose qui peut prendre la forme d'une idée consciente, d'une émotion, d'un plan d'action, d'un souvenir, d'un rêve, etc. Ça, c'est le décor, on pourrait dire. Ensuite, quand on va dans la granularité, il y a plein de choses qu'on ignore. Mais là où je disais c'est plus simple, c'est qu'on peut identifier la structure générale, les différents lobes du cerveau, les voies de connexion entre les régions, etc. Et même au niveau microscopique de la structure de chacune de ces cellules, comment est-ce que l'échange d'informations opère entre des neurones, avec tout ce qu'on apprend. D'ailleurs, maintenant, aujourd'hui, c'est un peu comme l'ADN. Maintenant, au lycée, on voit que les gens apprennent beaucoup plus que ce que nous, on apprenait. Donc, la vie des synapses, des neurotransmetteurs, des réseaux de neurones, ça devient un vocabulaire presque commun, en fait, qui s'est intégré. Donc ça, c'est un peu le décor qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, quelle est la relation entre ça, l'organe et la pensée ? Évidemment, ça ouvre 1000 portes, et c'est ça le plus compliqué, je pense. Et les rêves, par exemple. Voilà, et vous allez faire paraître dans 2 semaines un livre qui s'appelle « Le cinéma intérieur » aux éditions Odile Jacob, dans lequel vous posez, justement, l'idée que le cinéma serait comme une métaphore de notre vie mentale. Oui, oui, absolument. Oui, oui, c'est fou, c'était la collision entre cette émission et ce livre. Oui. Parce que, pour le dire peut-être d'un mot, ce que moi je trouve génial et magique au cinéma, c'est que quand vous allez au cinéma, vous faites l'expérience d'un film qu'on ne vous a pas montré. Je m'explique, la magie du cinéma, vous vous souvenez, c'est les 24 images secondes. C'est qu'en fait, sur un écran, vous avez 24 images fixes qui vont se succéder à un rythme régulier, mais nous, on ne voit pas de manière stroboscopique 24 images. En fait, notre esprit-cerveau, si on veut l'appeler comme ça, il remplit les blancs entre les images, il invente les images qui n'étaient pas à l'écran. Et vous avez subjectivement l'impression d'une continuité. Mais ce n'est pas ce qu'on vous a montré. Autrement dit, quand vous allez au cinéma, vous avez une sorte de découverte ou de redécouverte de cet ordinaire peut-être de la vie mentale et du cerveau, c'est qu'en réalité, on ne cesse de remplir les blancs. On nous montre 24 images, mais nous, on ne voit pas 24 images. On a rempli ce qui n'était pas présenté à l'écran. Donc ce qu'on appelle la perception est en réalité très active. Très active, très inventive, très créatrice, très poétique au sens étymologique. Il y a quelque chose de créatif. Et du coup, le point que je trouve assez génial, c'est que le cinéma nous permet de manière un peu technologique de prendre conscience de ça. Mais en réalité, pour comprendre pourquoi ça opère comme ça au cinéma, et c'est l'objet de ce livre, c'est que quand vous sortez du cinéma, vous n'êtes plus dans une salle obscure, la même chose se passe. C'est-à-dire que même là, lorsqu'on discute, ce que je vois de vous, c'est pas vous, vous êtes là et je suis là, on a beaucoup d'arguments, peut-être sans doute pour juger notre présence respective, mais en tout cas, l'expérience que chacun en fait de l'autre, eh bien c'est déjà une création. Pas une création à partir de rien, pas comme dans une hallucination par exemple, et pas comme dans un rêve, on va y revenir, mais déjà dans les opérations perceptives les plus élémentaires, la brique élémentaire, j'appelle ça des briques de fiction élémentaire, c'est-à-dire que vous ouvrez les yeux sur le monde, et déjà ce dont vous prenez conscience, ce n'est pas le monde, bon, ensuite on rentre plutôt en philosophie, mais c'est déjà une opération d'invention du monde sur quelque chose qui nous est donné. Il y a une relation avec cette extériorité, mais dès le départ, et l'objet de ce livre c'est de partir donc des briques élémentaires de la fiction, c'est-à-dire qu'en fait, si à la fin, sur les grandes questions de notre vie, on interprète les choses, on sait qu'on a une vision subjective, etc., on est prêt à le dire pour les idées politiques qu'on peut avoir, les croyances religieuses, les avis qu'on a sur les personnes. Donc là, on voit bien qu'on est des êtres un peu de fiction. On invente nos histoires, on est très narratif. Mais l'objet de ce livre, hein, comme un préquel cinématographique, c'est de dire, mais ces fictions complexes que tout le monde est d'accord de reconnaître pour comme telles, leur fondement, il n'est pas clivé du reste. C'est que dès que vous avez la moindre opération mentale, la plus élémentaire, d'ouvrir les yeux sur le monde, vous êtes déjà dans la fiction. Et ça veut dire que nous sommes les réalisateurs de notre propre film ? Oui, alors exactement. Alors nous sommes les réalisateurs, évidemment, avec le monde. Et en plus, notre film... C'est une bonne et une mauvaise nouvelle, parce que ça veut dire qu'on est maître peut-être de sa propre vie, mais ça veut dire qu'on ne vit pas dans le même monde que les autres. Alors je ne suis pas sûr, parce que vous avez raison. D'abord, je pense qu'effectivement, quand vous commencez à creuser cette idée, moi ça m'arrive en arrivant à la maison de la radio, quand vous croisez les gens dans la rue, de voir les gens comme ça, de se dire en fait, vous avez tous ces cinémas intérieurs qui tournent en fait en permanence... Et voilà, qui vont disparaître, qui apparaissent, qui naissent, des morts, des vies. Et que quand quelqu'un disparaît, il y a une version du monde qui disparaît. Mais pour autant, le point qui me semble important, et peut-être même pour le coup là philosophiquement, c'est que je ne vois pas ça comme un clivage, c'est que je pense que ces cinémas, ces fictions, elles font partie du monde. Voilà. Et d'ailleurs, on le voit bien, parce qu'au nom et guidé par ces fictions, on peut commettre des actions, faire des choses, avoir une action sur le cours du monde. Donc on s'inscrit bien. Donc on n'est pas en dehors du réel, si vous voulez. Bah oui, mais on ne peut pas le prouver, ce réel-là, si nous sommes tributaires de nos propres films. Ouais, vous avez raison. Alors simplement, le degré de réalité, le degré d'esprit critique qu'on peut avoir sur la crédibilité de ces contenus, là, on se rapproche du rêve. Ouais. Je ne dis pas que j'ai la réponse. Et d'ailleurs, moi, je suis comme tout le monde. C'est-à-dire que la nuit, quand vous faites un rêve, malgré toutes les choses savantes qu'on va pouvoir dire, etc., on croit qu'on y est, on croit qu'on vit une expérience réelle, sauf dans des états de ce qu'on appelle de rêve lucide, qui existent, on en reparlera, mais dont le film fait d'ailleurs utilise beaucoup cette ressource-là. Donc voilà d'où ce parallélisme entre les deux cinémas. Il y a une métaphore, et je trouve qu'elle est marrante, parce qu'on peut avoir l'impression que c'est une technologie du fin 19e siècle, début du 20e siècle, mais en fait, pour la comprendre, vous revenez à la condition humaine de base, et qu'en fait, c'est ça, en fait, on est des inventeurs du monde, mais dès les premières opérations, en fait. To me, it was very important to support the idea that dreams feel real while we're in them. C'était important pour moi de faire passer l'idée selon laquelle quand on rêve, quand on est plongé dans le rêve, tout a l'air complètement réel. Et c'est pour ça que je voulais tourner en décor naturel et montrer avec la caméra, par exemple, le train qui s'écrase dans une rue de Paris qui se replie sur elle-même. Même quand des choses impossibles se produisent, ça prend l'aspect de la réalité dans nos rêves. They say we only use a fraction of our brain's true potential. Now, that's when we're awake. When we're asleep, our mind can do almost anything. Such as? Imaginez que vous décidez un immeuble, d'accord? Vous en créez consciemment chaque aspect. Mais on se demande par moments s'il ne se crée pas tout seul, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, comme si je le découvrais. C'est ça, l'inspiration authentique. Durant le rêve, notre esprit fait cela continuellement. Nous créons et percevons notre monde simultanément. Et notre esprit s'en sort si bien que nous nous en rendons même pas compte. Et c'est ça qui nous permet d'entrer en plein dans le processus. Comment ? En prenant en main l'aspect créatif. Et c'est là que j'ai besoin de vous. Vous créez le monde d'un rêve. Nous amenons le sujet dans ce rêve. Et le sujet y met tout son subconscient. Comment voulez-vous que j'obtienne suffisamment de détails pour le convaincre que c'est la réalité ? C'est que les rêves, ils font vrai tant qu'on est dedans, pas vrai ? Ce n'est qu'au réveil qu'on remarque qu'ils avaient comme quelque chose d'étrange. Une petite question. Vous ne vous souvenez jamais vraiment du début de vos rêves, n'est-ce pas ? Vous atterrissez systématiquement au beau milieu de l'action. C'est juste, oui. On est arrivé comment ici ? Eh bien, on sort à peine de... Comment êtes-vous arrivé ici ? Réfléchissez, Ariane. Où êtes-vous en ce moment ? On est en train de rêver ? Vous êtes au beau milieu d'un atelier pratique, là, endormi. Vous suivez votre première leçon de rêve partagé. Gardez votre calme. Le film raconte l'histoire de Dom Cobb, joué par Leonardo DiCaprio, qui est spécialiste des extractions. Il s'invite dans le sommeil de ses victimes pour dérober des informations précieuses dans leur subconscient. Et dans l'extrait qu'on entend, il fait venir une architecte pour l'aider à construire des rêves de manière à ce que la victime, ça reste une victime, puisse être se faire duper au fond et croire être dans la réalité alors qu'elle est en train de rêver. Quelques informations, Christopher Nolan a eu l'idée du film à peu près 9 ans avant qu'il ne le réalise en 2010. C'est donc un projet qui a mûri très longtemps dans son propre cerveau. Il dit s'être inspiré des expériences de rêves lucides qu'il a vécues étant adolescente, s'être inspiré de cette époque, dit-il, où on avait des films comme Matrix, Dark City, Passé Virtuel, et même Memento qu'il a réalisé, qui était fondé sur le principe que le monde autour de nous pourrait ne pas être réel. C'est donc vraiment ce qui l'inspire dans ce film. Et il pose une question avec cette leçon de rêve partagée qu'on a entendue, hein, Lionel Nakache, qui est celle de savoir, au fond, avons-nous la preuve que nous ne sommes pas en train de rêver ? Mmh. Et il le dit au personnage, il dit, mais est-ce que vous vous souvenez comment vous êtes arrivé ici ? Ben non. Ben voilà, justement, dans le rêve, on ne sait jamais comment ça commence. C'est un des critères oui, absolument, absolument. Et ça, je trouve que c'est un des aspects qui est traité de manière la plus brillante par Nolan. C'est qu'il y a deux choses. Le premier, c'est qu'effectivement, à part les rêveurs lucides, et peut-être qu'on y reviendra parce que c'est très important, et je savais pas que justement lui-même était rêveur lucide, mais c'est pas étonnant parce que l'ensemble du film est construit sur cette notion de possibilité d'avoir une conscience qu'on est dans un rêve ou pas. Donc ça, on peut mettre de côté. Mais même avant d'aller là, il y a deux choses. C'est qu'effectivement, quand vous êtes dans un rêve et que vous n'êtes pas en rêve lucide, vous n'êtes pas rêveur lucide, vous avez très peu de moyens pour savoir que vous êtes en train de rêver. Donc effectivement, là, la question de l'illusion, est-ce que je rêve ou pas, peut se poser parce que vous ne savez pas, vous n'avez aucun doute du fait que ce que vous êtes en train de vivre, c'est la réalité, ce n'est pas un rêve. Pour autant, lorsqu'on sort, donc s'il y a un discours en troisième personne, c'est-à-dire dès lors qu'on collecte des rêves et qu'on compare ce que les gens nous racontent de leur perception éveillée et la perception rêvée, on voit apparaître des grands principes qui nous permettent de distinguer, de dire qu'en fait, oui, on peut quand même, en troisième personne, dire ça c'est plutôt un rêve ou ça c'est plutôt la réalité. Par exemple, dans un rêve, on est très souvent en mouvement. C'est très rare que vous soyez immobile. On est souvent en mouvement, soit en mouvement nous-mêmes, soit dans des objets qui se déplacent, des ascenseurs qui montent. Dans le film, il en fait beaucoup usage. L'autre chose, c'est qu'on ressemble un peu à un patient neuropsychologique. Et c'est notamment deux collègues à moi, Sophie Schwartz et Pierre Maquet, il y a quelques années, qui avaient proposé ça, et je trouve que c'est assez brillant. C'est que dans le rêve, on ressemble à certains patients neuropsychologiques que nous, on voit, qui ont des lésions cérébrales. Je donne quelques exemples. Très souvent, dans le rêve, vous parlez à quelqu'un dans votre rêve, et la personne va changer d'apparence. Mais ça ne vous posera aucun problème. Ça peut même changer de genre sexuel. Vous pouvez être en train de parler avec quelqu'un qui va changer de genre. Et il y a plusieurs variantes. Soit vous avez l'impression de continuer à parler à la même personne, Alors que dans votre rêve, vous êtes capable de décrire les différences et ça ne vous choque pas. Donc on a un syndrome neuropsychologique qu'on appelle le syndrome de Fregoli, où vous pouvez avoir l'impression, c'est un illusionniste du début du XXe siècle, en fait, il y a 1000 personnes qui ont chacun une tête différente, mais ce sont tous la même personne. Et à l'inverse, vous pouvez avoir aussi des situations où vous ne reconnaissez pas les gens, où comme il le dit sur le début du rêve, vous avez un manque de cohérence temporelle, c'est-à-dire que vous êtes en plein cœur d'une action, vraiment une médias res, mais si vous deviez vous interroger sur comment vous êtes arrivé là, vous êtes immédiatement paumé, comme dans un décor carton-pâte. Donc tout ça pour dire que quand on rêve, on ne sait pas qu'on rêve, mais si on doit comparer nos récits de rêve avec des récits d'expériences diurnes, eh bien c'est facile de faire la différence. Donc ça c'est peut-être une clé qu'on peut aussi discuter, c'est que cette vieille question philosophique, Descartes, où je me souviens, il y avait un texte « La vie est un songe » de Calderon, quoi, il y a une vieille question qui traverse. La vérité c'est qu'aujourd'hui on a l'impression qu'on peut lister des critères qui nous permettraient de dire c'est plutôt un rêve ou c'est plutôt la réalité, même si vous, en première personne, quand ça vous arrive, vous n'êtes pas capable de le faire. Cette voilà, c'est d'un point de vue extérieur, c'est une tierce personne à la limite qui peut vous montrer que vous êtes en train de rêver ou pas, mais ce qui est intéressant c'est qu'à l'état de la subjectivité, finalement, pendant que nous rêvons, nous ne nous disons pas que nous sommes en train de rêver. Non. C'est quoi ? C'est qu'il y a une partie du cerveau qui dort ? Exactement. Qui n'est plus consciente ? Absolument. C'est que, premièrement, c'est qu'effectivement, le rêve, on le décrit comme un état de conscience. Oui, c'est pas de l'inconscience. Alors non. Là, une question se pose, est-ce qu'il y a des rêves inconscients ? Possiblement. Et je pense que c'est possible qu'il en existe. Mais ceux dont on parle, les rêves qu'on est capable de se narrer à nous-mêmes, de raconter le matin notre réveil, etc., ce sont pour nous des expériences qui sont rapportables à la première personne lorsqu'on les vit, mémorisables en mémoire épisodique consciente et qu'on peut rapporter, narrer. Donc tout ça, ça a des critères d'une expérience consciente. Simplement, c'est une expérience bizarre. Et Nolan le dit lui-même aussi. Et cette bizarrerie, on commence à la décrypter par les fameux instituts du cerveau. C'est-à-dire que lorsqu'on enregistre l'activité du cerveau pendant le rêve, il y a deux choses intéressantes. La première, c'est qu'il y a une découverte majeure d'un neurophysiologiste français qui est mort quasiment centenaire, qui s'appelait Michel Jouvet. Il a appelé ça le sommeil paradoxal. On utilise plus ou moins ce mot, mais c'est un mot extrêmement important. C'est qu'en fait, c'est lui qui a découvert que lorsqu'on dort, on passe par différents stades de sommeil, et qu'il y a une période où de l'extérieur, on a l'impression qu'il se passe la même chose. Vous avez quelqu'un qui a l'air endormi, mais si vous enregistrez l'activité de son cerveau avec un électroencéphalogramme, il a fait ses découvertes à la fin des années 50, brutalement, le cortex se réveille et présente une activité qui est quasiment la même que votre activité ou la mienne lorsqu'on est éveillé et conscient. Donc il appelle ça le sommeil paradoxal pour dire il y a un paradoxe parce que le sujet semble profondément endormi alors qu'en fait son cerveau est dans un état comparable quasiment à celui de l'état de veille consciente. Et la grande découverte de Jouvet, c'est que cette période du sommeil paradoxal, c'est celle durant laquelle surviennent la plupart de nos rêves les plus riches. Donc, qui reboucle avec cette idée que c'est bien une expérience consciente, avec une signature cérébrale de la conscience qui est celle qu'on voit par ailleurs lorsqu'on est éveillé, mais il y a quelque chose qui cloche. Donc le cerveau ne dort jamais ? Ah, il dort, si, il dort, mais il y a des périodes de sommeil profond, par exemple, dans lesquelles, justement, on a beaucoup d'arguments pour penser que le cerveau est dans un mode qui n'est pas compatible avec un état de conscience, où l'individu... Oui, c'est ça. S'il dort, comment le rêve peut-il être produit ? Il est produit pendant les périodes où il est éveillé, justement, où il passe en sommeil paradoxal. Ah voilà, donc il est réveillé pendant qu'il dort. Voilà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la nuit, c'est ce qui peut un peu choquer au début, la nuit, lorsque nous entrons en sommeil paradoxal, notre cerveau, notre cortex s'éveille, retrouve un état de conscience. Simplement, on est complètement paralysé et on vit et on agit des rêves, en fait. On est acteur dans nos rêves. Et ça, on le sait parce qu'il y a des troubles neurologiques dans lesquels la paralysie se lève. Il y a des maladies neurologiques dans lesquelles les rêveurs ne sont pas paralysés et donc on peut voir leurs actions pendant leur sommeil. C'est un trouble qu'on voit dans différentes maladies neurologiques. Donc on sait effectivement que ces rêves surviennent dans cette période. Et pour revenir reboucler sur votre question, on a l'impression que les régions cérébrales qui sont en charge du sens critique, elles sont un peu affaiblies chez la plupart des gens pendant le sommeil. Paradoxal, pendant le rêve. C'est le lobe frontal, c'est ouais, ça ? Ouais, des régions du lobe frontal, notamment, exactement. Et alors, une des hypothèses qu'on veut tester avec des collègues, et Isabelle Arnulf, ma collègue, Esteban et d'autres gens, c'est de voir si les rêveurs lucides, donc des gens qui sont conscients de rêver lorsqu'ils sont en train de rêver, est-ce que dans ces périodes de rêve lucide, justement, ces réseaux cérébraux du sens critique, notre prédiction, c'est qu'ils sont beaucoup plus actifs que chez un rêveur standard. Alors la question se pose de savoir ce qui peut distinguer le rêve des souvenirs par exemple, parce que si on envisage les différentes images mentales que nous envoient nos cerveaux, on en trouve plusieurs, hein. Il y a les souvenirs, les rêves, les hallucinations visuelles, la perception, l'imagination. Le film Inception pose la question de la distinction entre les rêves et les souvenirs, et dans l'extrait que vous allez entendre, c'est juste avant l'inception à laquelle ils vont procéder, Ariane, donc l'architecte, et Cobb vont partager un rêve, et vous allez voir que à un moment, le rêve va mal se passer parce que, dit Cobb, des souvenirs vont interférer avec son rêve et c'est là où tout va commencer à basculer. Very impressive. I know this bridge. This place is real, isn't it? Yeah, I cross it every day to get to the college. De jamais recréer des endroits de mémoire, toujours imaginer de nouveaux lieux. Faut bien s'inspirer de trucs qu'on connaît, non? Juste pour des détails, genre une cabine de téléphone, un lampadaire, mais jamais un lieu entier. Pourquoi? Parce que construire un rêve à partir de souvenirs, c'est radical pour perdre toute notion de ce qui est réel et de ce qui est rêvé. C'est ça qui vous est arrivé? Bon, écoutez-moi, ça n'a aucun rapport avec moi, compris? C'est pour ça que vous avez besoin que je construise vos rêves? Hé, hey, quoi, lâche-la! Bats les pattes! Hé hey! Bats les pattes! Stop! Lâchez-la! Laissez-moi! Ben! Stop! Ben! Réveillez-moi! Ben! Réveillez-moi! Ben! Réveillez-moi! Hé, hé, regarde-moi. Tout va bien, tout va bien. Hein? Pourquoi je me réveillais pas? Il restait du temps sur le minuteur. Et on ne se réveille d'un rêve que si on y meurt. Il lui faut un totem. Quoi? Un totem, c'est un petit vous objet. Vous traînez un sacré subconscient, Cobb. Elle a un charme fou. Ah, on a rencontré Madame Cobb. C'est sa femme? Ouais, donc un totem. Trouve-toi un petit objet, éventuellement lourd, que tu peux garder sur toi en permanence et que quoi? Personne ne connaît. Une pièce de monnaie? Non, non, non, il faut que ce soit plus distinctif que ça. Genre, se détruquer. Mais... Non, non, si tu le touches, ça annule tout le bénéfice. Il n'y a que moi qui connais l'équilibre et le poids de ce détruquer particulier. Et du coup, quand tu regardes ton totem, tu peux être sûr et certain de ne pas être dans le rêve d'un autre. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de Christopher Nolan cette semaine, dans la tête, dans le cerveau de Christopher Nolan, aujourd'hui en compagnie du neurologue Lionel Nakache, qui a beaucoup travaillé sur le cerveau et qui a écrit plusieurs ouvrages sur ce thème. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on a le personnage féminin qui dit « Vous traînez un sacré subconscient, Cobb ». Est-ce que le mot de subconscient est vraiment celui qui est le plus approprié? On va le voir dans un instant. En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est le postulat selon lequel souvenirs et rêves ne font pas bon ménage. Mais en réalité, les rêves ne se font qu'à partir des souvenirs, non? Oui, absolument. Là, je pense que c'est un exercice scénaristique, en fait. Parce que, évidemment, tout repose dans le film sur l'idée, pour le coup, un peu futuriste, ou en tout cas, pour le coup, totalement fictive, de partager, d'avoir une scène onirique partagée, comme on a une scène de vie éveillée partagée. Ça, oui, là, ils sont dans le même rêve. Voilà, ils sont dans le même rêve. Et ça, on ne sait pas le faire aujourd'hui. En tout cas, moi, je ne sais pas le faire. Je ne crois pas que mes collègues sachent le faire non plus. Donc, évidemment, dans ce cadre-là, et pour les aspects d'intrigue, le personnage de Cobb, avec son aspect traumatique, ce remords permanent par rapport au destin de son épouse, etc. Donc, Nolan crée ce clivage nécessaire entre rêve et souvenir, mais en fait, en le clivant, ça nous indique simplement qu'effectivement, comme vous le disiez, nos rêves sont nourris par nos souvenirs. Il faut réaliser que les contenus de nos rêves font toujours appel à des objets, des scènes, des personnes, des lieux qu'on connaît, qu'on a connus, ou qui sont sinon des recompositions, des télescopages, mais pour le dire autrement, à la fois le rêve ou l'imagination, c'est beaucoup plus pauvre qu'on imagine. Souvent, les gens ont une vision assez romantique. Ah, il y a la vie imaginaire, c'est fantastique. Mais la vie imaginaire, c'est très pauvre. Je veux dire par là que c'est de la ressucée du réel, de ce qu'on fait. On n'invente rien dans les rêves. On invente de certaines manières, mais en tout cas, si vous rêvez d'un iPhone, c'est parce que vous avez déjà vu des iPhones. Aucun rêve ne va faire appel à quelque chose. Comment dire? Oui, prenons ce truc un peu trivial, mais je pense qu'un Athénien de l'Antiquité, il va pas rêver d'un iPhone, jamais, parce qu'il en a jamais vu, il en a pas de souvenir, il en a pas une connaissance. Donc c'est vrai que nos rêves et notre vie mentale imaginée, moi je vois ça comme une sorte, un peu comme le cinéma, la grande famille du cinéma, mais intérieure, ça fait appel exactement aux mêmes briques, en réalité, qui se recomposent différemment. Donc il n'y a pas de différence de nature entre une image de souvenir et une image de rêve? En tout cas, c'est mon hypothèse. Ouais. Et c'est la thèse que je défends, je ne suis pas le seul. Hein. Même sous l'angle de la perception et de l'imagination, David Hume disait le premier, voilà, en fait c'est la même chose en moins intense, mais c'est la même chose. Mais c'est une vieille question, est-ce que c'est du nominalisme de dire qu'on prend le mot image pour les deux mais qu'on ne parle pas de la même chose? Je pense qu'on a beaucoup d'arguments. Évidemment, ce n'est pas une réponse autoritaire, ce que je veux, mais c'est à la lumière de nos connaissances, j'ai l'impression, en tout cas la thèse que je défends moi, c'est que tout ça, tous ces ingrédients, toutes ces situations, la perception, le rêve, l'imagination, l'hallucination et le souvenir, je crois que tout ça, c'est différents modes de fonctionnement d'une même machine à produire des histoires, qui est plus ou moins contrainte, plus ou moins alimentée de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur, ou de l'intérieur vers l'intérieur, mais tout ça procède d'une même grande machinerie, on pourrait dire. Ouais. Mais ce qui est rassurant dans ce que vous dites, c'est que même si on comprenait absolument le fonctionnement du cerveau, on pourrait encore inventer de nouvelles histoires. C'est qu'au fond, ce que fait Nolan, c'est qu'à partir de choses exactement, qu'on peut à peu près élucider, ben, heureusement, l'imagination peut nous emmener un peu au-delà. Mais exactement, bien sûr. Et c'est ça qui est peut-être dans cette minuscule marge, ce repli-là qu'on a, on peut l'appeler comme on veut, la liberté, notre singularité, notre subjectivité, qui on est. Et là, on revient. Voilà. C'est vrai, du coup, que ce sont des idées qui sont très voisines de questions philosophiques qui, pour nous, en neurosciences cognitives, sont très importantes. C'est-à-dire qu'effectivement, de savoir que la racine indubitable, absolue du fait que j'existe, c'est le fait que je suis en train d'être conscient, de penser et de me rapporter des choses. Ensuite, tout le reste, ça peut être, on peut douter de tout le reste. Mais ça, cette donnée immédiate première de la conscience, c'est ce sur quoi tout se construit. Et pour nous, c'est la même chose, même si on le regarde d'une manière un peu différente. Nous reconnaissons que le mécanisme psychique dont se sert la névrose n'est pas seulement créé lorsque se produit une perturbation morbide s'emparant de la vie d'âme, mais qu'il se trouve déjà prêt dans l'édifice normal de l'appareil animique. Les deux systèmes psychiques, la censure marquant le passage entre eux, l'inhibition et le recouvrement de l'une des activités par l'autre, les relations des deux avec la conscience, tout cela appartient à l'édifice normal de notre instrument d'âme, et le rêve nous montre une des voies qui mènent à la connaissance de la structure de celui-ci. Si nous voulons nous contenter d'un accroissement minimal de connaissances qui soit pleinement assuré, nous dirons que le rêve prouve que le réprimé persiste aussi chez l'homme normal et reste capable d'opérations psychiques. Le rêve est lui-même une des manifestations de ce réprimé. Le réprimé dans notre âme, qui dans la vie de veille fut empêché de s'exprimer et fut coupé de la perception interne, trouve dans la vie nocturne des moyens et des voies pour s'imposer à la conscience. L'interprétation du rêve est la voie royale menant à la connaissance de l'inconscient dans la vie d'âme. Difficile, Lionel Lacache, de parler d'inconscient, de subconscient et de rêve sans demander son avis à Freud quand même, qui dans l'interprétation du rêve en 1899 écrit ces lignes-là, où il définit le rêve comme étant une des manifestations du réprimé, ce qu'on ne voit pas vraiment dans le réel. Mais au fond, est-ce que la distinction entre conscience, inconscience et subconscience a vraiment un sens d'un point de vue vraiment matérialiste au fond? Est-ce qu'on peut observer cette distinction-là ou est-ce que ce sont que des postulats? Non, alors c'est une vision très théorique de Freud. Et d'ailleurs, la théorie freudienne de l'inconscient, elle est extrêmement structurée avec évidemment le mécanisme du refoulement à la base et tout ce que Freud décrit dans ses premières, deuxième topiques, etc. Donc il y a une théorie freudienne. Pour le dire vite, je pense qu'elle ne tient pas, pour des raisons qu'on peut discuter, mais qu'elle est intéressante. Je pense qu'en fait, Freud, pour moi en tout cas, il est extrêmement intéressant, pas tellement sur l'inconscient, mais sur la conscience. Et d'ailleurs, le premier point, c'est que, en vous écoutant dans ce passage très fameux, le rêve, la voie royale de l'inconscient, souvent il y a un court-circuit qui est fait, un raccourci, un malentendu. Les gens disent « Ah oui, le rêve, c'est inconscient. » Ben non, c'est ce qu'on dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Le rêve, c'est une expérience sacrément consciente. « Ben, cette nuit, tu sais ce que j'ai rêvé, j'ai fait ça. » Donc là, on est dans un rapport subjectif. Et Freud le dit lui-même. Il dit « Voilà, la manière de laquelle se réprimer va s'imposer à la conscience du rêveur. » Donc, pour Freud lui-même, et c'est un point avec lequel je suis évidemment tout à fait d'accord, le rêve est une expérience consciente, mais elle a un contenu très particulier. Et là, Freud développe et sort son attirail théorique pour expliquer pourquoi c'est bizarre. Et c'est là qu'on diverge un peu, c'est que je pense qu'il y a des manières de comprendre pourquoi le rêve est bizarre, mais sans nécessairement adhérer à cette conception freudienne d'un inconscient refoulé qui trouve des moyens en fait de gagner la scène consciente et de manière plus simple pendant le rêve que pendant la vie éveillée. Mais alors ensuite, moi, je pense que ça fonctionne pas, que c'est, pour le dire très vite, Freud ou la psychanalyse? Non, ben la psychanalyse freudienne en tout cas. Oh, ça fonctionne pas comme thérapeutique. C'est il y a des choses qui fonctionnent en thérapeutique, mais je pense qu'elle fonctionne lorsque ça fonctionne à travers ce que Freud nous apprend sur la conscience. Pour le dire très très vite, pour moi, Freud est intéressant sous la manière suivante, c'est que c'est le premier, je pense, grand psychologue à avoir compris que des matériaux absolument risibles de l'extérieur, mais qui pour nous-mêmes font sens, des lapsus, des rêves, qui étaient vus parfois comme une sorte de déchets nocturnes, des fantasmes, des idées absurdes, mais qui nous sont chères, etc. Le premier à comprendre qu'en fait, il y a une mécanique consciente, narrative, interprétative, et que tout le travail de la vie mentale, c'est d'arriver à prendre au sérieux ces contenus subjectifs conscients, et arriver à travailler dessus. Donc je dirais que Freud, pour moi, est un grand découvreur de la conscience, mais que par contre, ce qu'il nous raconte sur l'inconscient, il a commis, à mon sens, des erreurs, entre guillemets, c'est qu'il a projeté sur l'inconscience, on pourra en reparler, des propriétés de la conscience. Notamment, c'est-à-dire que dès lors que vous parlez de l'inconscient au singulier, vous êtes mal barré d'après moi. Parce que la conscience, elle a des raisons d'être au singulier. Parce que par le singulier, on veut parler de la cohérence temporelle, du principe de non-contradiction, de la continuité subjective, de l'unification qui nous fait sentir une personne. Alors qu'effectivement, dans la vie mentale non consciente, il n'y a aucune raison d'imaginer que c'est comme ça. On est plusieurs. On est rien. Je veux dire, il y a plein de processus indépendants qui sont très riches, très intéressants. On peut les étudier. Mais donc, du coup, je pense que moi, je le compare souvent. Il y a un livre qui s'appelle Le Nouvel Inconscient. Je le comparais à Christophe Colomb. Et c'était à la fois un compliment et en même temps, si on va au fond de la comparaison, Christophe Colomb, tout le monde s'accorde pour dire qu'il a découvert un immense continent, mais qu'il s'est trompé de continent. Il n'a pas découvert les Indes, mais l'Amérique. Donc, je pense que Freud a découvert la conscience, mais pas du tout l'inconscient. Oui, voilà. Votre livre s'appelle Le Nouvel Inconscient. Freud, le Christophe Colomb des neurosciences. Voilà, c'est ça. On peut en discuter, mais je pense que dès lors qu'on prend, et d'ailleurs je suis même pas sûr que lorsqu'on lit Freud sérieusement, lui-même se pose la question, mais que c'est un travers qu'on trouve assez souvent, et même à l'époque de Freud, c'était déjà une question antique. Il y avait un psychologue français, Pierre Janet, qui était très connu. Un des reproches qu'il adressait à Freud, c'est de dire, mais en fait, votre structure inconsciente, c'est un double de la conscience, comme une conscience multiple. Dès lors que vous imaginez la vie inconsciente comme quelque chose qui est doté d'une même volonté, d'une même durée dans la pensée, être capable d'avoir un objectif, de rentrer dans la scène consciente, etc. Vous inventez, vous narrez, vous faites une sorte de fiction de votre vie mentale inconsciente sous la forme d'une entité singulière qui n'est pas la conscience, donc on va appeler inconsciente, mais dont vous dotez la plupart des attributs qui sont le propre de la conscience. Et cette invention de l'inconscience, il y a un psychanalyste français qui s'appelle Alain de Mijola, qui dans une conférence, en écrivant ce livre il y a longtemps, je m'étais rendu compte que ça m'avait beaucoup plu, le monsieur inconscient n'existe pas, évidemment, même pour la psychanalyse. Ce qui est intéressant dans la psychanalyse, c'est le travail de la conscience. Tout à fait. Malheureusement, quelqu'un dans le coma, la psychanalyse n'est pas très utile. Pour faire une psychanalyse, j'en ai pas fait, mais en tout cas pour s'intéresser à la psychanalyse, il faut être sacrément conscient pour s'intéresser à ça. Et par contre, ce que je crois à nouveau, c'est que c'est le premier à avoir compris que la vie mentale n'est pas descriptive puis interprétative, mais elle est d'emblée dans le sens. Et que ça, c'est, pour moi, c'est ça la psychanalyse, c'est comprendre que notre vie mentale, même lorsqu'on pense échapper à ça, on est toujours dans une construction première de sens. Et qui d'ailleurs, dont les premières étapes ne sont pas conscientes. Voilà. Et quels sont les moyens d'action que nous avons sur cet inconscient? C'est la question que pose le film Inception justement. Alors, quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'intrigue finalement, mais c'est ça qui est passionnant, c'est qu'avec vous on peut parler de ce qui reste du cerveau. J'ai dans quand même ce vu film. Le film. Ben oui, non mais je sais bien justement, c'est pour ça qu'on va en parler. Donc je rappelle que ce Dom Cobb, donc joué par Leonardo DiCaprio, qui s'invite dans le sommeil de ses victimes pour voler des informations. C'est vraiment un braquage de l'inconscient là. Totalement, pour le coup, ouais. Qui peut mettre le spectateur très mal à l'aise. Eh bien, lors d'une tentative d'extraction auprès d'un personnage qui s'appelle Saito, et ben finalement Saito va se retourner contre eux et dire, ben moi je vais vous demander de travailler pour moi, je souhaiterais implanter une idée dans l'esprit de l'héritier de mon concurrent, une idée qui le convaincrait de liquider complètement l'empire de son père mourant, ce qui permettrait à Saito de devenir le leader mondial. Alors comment faire pour infiltrer, incepter cette idée dans l'inconscient du personnage? C'est ce que raconte cet extrait. I will split up my father's empire. Now, this is obviously an idea that Robert himself would choose to reject, which is why we need to plant it deep in his subconscious. Le subconscient est stimulé par les émotions, non? Non, par la raison. Donc, il faut trouver le moyen de transposer ça en concept affectif. Comment veux-tu transposer une stratégie commerciale en émotion? C'est ce qu'on est censé cogiter ici. Bon, les rapports de Robert avec son père sont tendus, pour pas dire plus. On peut pas se baser sur ça. On n'a qu'à lui suggérer de démanteler l'entreprise de son père, histoire de l'envoyer bouler. Non, car je crois que les émotions positives l'emportent sur les négatives à chaque coup. On aspire tous à la réconciliation, à la catharsis. Il faut que Robert Fischer éprouve une émotion positive en réaction à tout ceci. D'accord, attends voir. Mon père est d'accord pour que je crée quelque chose de mon côté plutôt que de lui emboîter le pas. Ça marcherait peut-être. Peut-être. Faudrait trouver un peu mieux que peut-être. Ah, ça c'est un apport constructif, Arthur. Désolé de vouloir un peu d'explicitation, Ims. De quoi ? D'explicitation. L'inception ne demande pas à être explicite. Quand on sera dans son cerveau, il faudra faire avec ce qu'on trouvera. Au niveau supérieur, nous abordons ses rapports avec son père. Genre, je refuse d'emboîter le pas de mon père. Puis, au niveau du dessous, nous lui insufflons, je veux plutôt créer quelque chose de mon côté. Puis, arrivé au niveau inférieur, on sort l'artillerie lourde. Mon père ne veut pas que je devienne lui. Exactement. Au niveau moins 3, les rêves vont s'effondrer à la moindre turbulence. Sédation. Sommeil stable. Suffisamment stable pour créer 3 strates de rêve. Il faut y associer un somnifère extrêmement puissant. « Nous avons vu hier avec Philippe Rouillet, en parlant du film Memento, à quel point tout le cinéma de Nolan était aussi une réflexion sur le cinéma et le rôle du cinéma. Vous dites, Lionel Nakache, que notre cerveau fonctionne finalement comme au cinéma ou comme un film de cinéma. Dans l'extrait qu'on entend, ça va très très loin. Ça veut dire que l'un des personnages peut s'infiltrer dans l'inconscient de l'autre pour écrire son texte, au fond, comme un comédien, hein, comme un réalisateur. Absolument. Ou un scénariste le fait, ouais. Un comédien, lui dicter ainsi le rôle qu'il doit le jouer. Je parlais de braquage de l'inconscient, je crois que c'est pas exagéré. C'est l'idée même que quelqu'un puisse entrer dans notre cerveau et donc nous ôter notre liberté, si tant est qu'elle existe, et écrire nos répliques à notre place, est quelque chose qu'on n'est pas du tout prêt à accepter. Et que pourtant on vit peut-être lorsqu'on regarde un film, au fond. Ouais, absolument. Vous avez raison. Et cet extrait-là, il est vraiment riche à plusieurs égards, comme vous le disiez. En écoutant, je pensais à une expérience d'une collègue, un groupe de collègues israéliens, Anna Tardy et Noam Sobel et leurs collègues. Ils ont fait par exemple une manip, vous allez me dire, on est un peu loin de ça, mais ils ont pris des gens qui étaient fumeurs et ont fait une procédure de conditionnement aversif. C'est-à-dire qu'on vous fait en fait sentir l'odeur d'une cigarette pendant votre sommeil. Et puis, on fait suivre ça par une odeur extrêmement désagréable, du poisson pourri ou de l'ammoniac très fort, un truc comme ça. Et en fait, la réalité, c'est que vous avez des effets d'influence sur, en réalité, l'attachement au tabac. Et donc, les gens fument moins une fois qu'ils ont été conditionnés. Donc là, on pourrait dire que c'est l'étape minimale de, pendant notre rêve, on réécrit un peu certains rapports de notre valeur subjective d'attachement au tabac, là, par exemple. Oui. Et même si c'est pour la bonne cause, ça rentre déjà dans cette forme de manipulation dont vous parliez. Complètement. Voilà. Donc, il y a ça. Moi, l'autre aspect, en écoutant et en voyant le film qui m'avait plu, c'est que l'aspect de rêve partagé, ça, c'est pour moi une invention géniale, mais qu'on ne connaît pas bien encore aujourd'hui. Je ne sais pas si elle est possible. Mais par contre, ces aspects-là que j'aimais bien dans les rêves imbriqués les uns dans les autres, c'est que ça illustrait aussi une propriété qui est fondamentale dans la conscience et le non-conscient. C'est que ce ne sont pas des registres séparés de notre vie mentale. C'est extrêmement imbriqué, le conscient et le non-conscient. Oui, parce que là, donc, il y a trois strates. Il y a trois strates de rêve. Il y a le rêve dans la réalité, il y a le rêve dans le rêve, et enfin, il y a le rêve dans le rêve du rêve. Voilà. Alors, voilà. Moi, je trouve que ça marche hyper bien en scénario. Ça ne me fait pas non plus tomber de ma chaise pour l'aspect. C'est un peu comme les aspects récursifs sur la conscience. Je suis conscient, de conscient, de conscient. Je pense qu'une fois qu'on a cet appareil de conscience, on peut le faire tourner sur lui-même. Ça peut être vertigineux, mais ce n'est pas ça qui, me m'attire le plus. Mais par contre, c'est l'idée que dans ce scénario, et c'était parfait dans l'extrait que vous avez aussi inséré, c'est qu'en réalité, on voit qu'il y a des relations très complexes entre conscient et inconscient. C'est-à-dire que, par exemple, parfois, on a une posture consciente. Et une fois qu'on est dans un état d'esprit conscient, ça va influencer des phénomènes non conscients qui vont eux-mêmes, à leur tour, pouvoir influencer nos phénomènes conscients. Autrement dit, vous avez des influences conscientes sur le non-conscient. Souvent, les gens sont fascinés par le non-conscient nous influence. Mais il faut prendre en compte que notre posture consciente influence et détermine largement ce qui va se passer de non-conscient. Alors, qu'est-ce que c'est le non-conscient? Le non-conscient, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas rapporter, par exemple. Donc, je peux prendre des exemples tout bêtes, mais pendant ma thèse, il y a longtemps, ce qu'on avait montré, c'est qu'en fait, si je décide de faire attention à un endroit de l'espace, ou à un moment dans le temps, ou à une catégorie lexicale, etc., et qu'on me présente des stimuli, des mots, etc., mais que je ne peux pas voir facilement parce qu'ils sont subliminaux, eh bien, je vais les traiter de manière beaucoup plus riche si consciemment je fais attention à ça. Autrement dit, vous avez une sorte d'influence du conscient sur des phénomènes non conscients. Et là, donc, par exemple, dans le scénario, le sujet, on va lui faire rentrer consciemment l'idée qu'en fait, il faut qu'il fasse quelque chose d'autre. Mais dans le niveau de rêve suivant, il n'aura pas un souvenir de cet épisode-là. Par contre, la trace non consciente de ce phénomène conscient va le déterminer à avoir un comportement qui va le guider dans ce sens-là. Ça, c'est beau, cette idée de couches successives, de strates qui nous composent. Exactement. Et du coup, moi, je le vois plus, non pas seulement comme des couches, mais comme des boucles, en fait. C'est qu'il y a une sorte, moi, j'appelle ça le blanchiment sous les topiques. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, en fait, quand on a l'impression qu'on fait quelque chose malgré nous, on fait quelque chose malgré nous parce qu'en fait, initialement, souvent, volontairement, on voulait faire quelque chose qui a une conséquence sur des aspects dont on n'a plus la trace. Et qui va pouvoir également ensuite nous influencer. Donc on a l'impression qu'on fait les choses guidées par quelque chose de non conscient, alors qu'initialement c'était peut-être même une initiative consciente. Vous voyez, par exemple, il y a des champs pathologiques qu'on appelait avant l'hystérie, les conversions, etc. Vous avez des situations dans lesquelles vous ne pouvez pas bouger. Vous n'êtes pas paralysé, vous ne pouvez pas bouger un bras. Vous ne faites pas semblant, vous n'êtes pas un simulateur, mais pour autant vous n'arrivez pas à bouger. Et une des hypothèses que j'ai, c'est que dans des phénomènes de conversion, souvent, il y a une initiation consciente de quelque chose, pour une raison XY, un traumatisme, quelque chose. Mais la conséquence de ça, ça va influencer des phénomènes, par exemple pour l'aspect moteur, inconsciemment. Et in fine, vous vous retrouvez sans pouvoir bouger, mais vous avez perdu la clé. Vous ne savez pas que c'était vous l'initiateur de ce phénomène. Donc ce que j'aime bien dans cette idée et dans ce film, c'est ces boucles entre le conscient, c'est-à-dire de ne pas penser conscient et inconscient comme première classe, troisième classe d'un bateau, quoi. C'est que tout ça mélangé, c'est une dynamique extrêmement riche, permanente, et qui rend les choses très compliquées en réalité. Mais est-ce qu'on peut tout observer? Est-ce qu'on peut observer dans un cerveau et voir, oui, selon ce qu'on observe, si l'état de veille ou à l'état de sommeil, ça on peut, de voir. Ça, on peut tout voir. Il y a des traces de tout. Non, mais on peut voir, on peut identifier assez bien si dans quel état. Est-ce qu'un cerveau est dans un état conscient ou pas? Une des activités que j'ai développées, c'est d'explorer des malades non communicants où on ne sait pas vraiment dire s'ils sont conscients ou pas. Et on commence à, on est assez nombreux dans le monde à faire ça, mais à pouvoir dégager des principes qui nous permettent, en enregistrant l'activité d'un cerveau, soit au repos, soit pendant qu'on lui envoie des stimuli, des mots, des sons, etc., savoir si le sujet est conscient ou pas. Et de manière plus spécifique, si on vous envoie un mot, on peut savoir si le mot est lu consciemment ou pas. Et lorsqu'il est lu de manière non consciente, il peut y avoir des traitements sémantiques du mot, accès au sens du mot, au registre, au lexique, de manière inconsciente, c'est-à-dire sans qu'on puisse se le rapporter. J'ai pas vu le mot, je peux rien dire. Mais on peut suivre ces phénomènes à la fois psychologiques, inconscients et leur activité cérébrale. Et lorsqu'on prend conscience, on voit quelque chose d'autre. On voit une sorte d'unification à l'échelle du cerveau, un peu le singulier de la conscience, peut-être. Voilà. Mais ça veut dire que tout est transposable? Est-ce qu'on peut observer une idée? Ça, c'est une belle question. Ça dépend quelle idée. On ne sait pas observer toutes les idées, mais par exemple, je ne dirais pas qu'on sait voir une idée aujourd'hui. Mais par contre, on peut arriver, si on vous présente... Alors, je traduis dans des manips simples. On vous présente un visage ou un mot ou un lieu et on enregistre l'activité de votre cerveau. On commence à savoir dire mieux que le hasard. Donc nous, dès qu'on est mieux que le hasard, on est content, même si ce n'est pas parfait. Mais on peut commencer à savoir faire mieux que le hasard pour dire si vous aviez vu un mot, un visage... ou par exemple un lieu. Donc le scénario de Christopher Nolan est assez vraisemblable à cet égard-là, c'est-à-dire qu'on peut semer une idée dans l'inconscient de quelqu'un qui ensuite, en se réveillant... Vous avez raison, ça va. Et l'exemple du conditionnement aversif que je donnais sur le tabac, c'est déjà une minuscule idée de ça, on peut dire, même si on est de l'ordre de registre de conditionnement. Mais l'idée d'une scène partagée onirique, pour l'instant, on est un peu loin. Voilà. Mais c'est une belle invention. L'autre question que pose le film, et qui cette fois-ci est vraiment redoutable parce que par la réponse qu'on pense pouvoir lui donner, c'est celle de savoir s'il faudrait revenir à la réalité au fond. Une fois qu'on bascule dans le rêve et si on a un degré de rêve qu'on a nous-mêmes voulu atteindre, pourquoi? Quelles seraient les bonnes raisons pour revenir à la réalité? Le personnage Cobb, lui, en a fait les frais justement de ça parce qu'il allait au fin fond des fonds de la dernière strate du rêve avec son épouse. Et ils y ont passé une cinquantaine d'années. Et un jour, il a voulu revenir. Ça veut dire que lui-même savait qu'il était en train de rêver, alors que son épouse, non. Et ça a été le drame de sa vie qui explique son comportement aujourd'hui. Voici ce qu'il raconte dans cet extrait. We were working together. We were exploring the concept of a dream within a dream. I kept pushing things. I wanted to go deeper and deeper. I wanted to go further. J'étais encore ignorant du concept traduisant les heures en années dans ses profondeurs. Qu'il était possible d'être coincé dans de tels abysses, qu'en échouant sur les rivages de notre subconscient, on perdrait de vue ce qui relevait du réel. On a créé, on a bâti ce monde pour nous tout seuls. On a mis des années. On a bâti notre monde à nous. Vous y avez été coincé longtemps? À peu près 50 ans. C'était pas si mal au départ de se prendre pour des dieux. Le problème, c'était de savoir que rien de tout ça n'avait de réalité. Pour finir, j'ai pu trouver possible de vivre comme ça. Elle en pensait quoi, elle? Elle avait mis quelque chose sous clé. Quelque chose d'enfoui. Une vérité qu'elle avait su autrefois. Et avait choisi d'oublier. Les larmes sont devenues sa réalité. Et qu'est-ce qui s'est passé au réveil? Se réveiller d'un truc pareil après des années, après des décennies. Deux âmes vieillies projetées à nouveau dans la jeunesse, comme ça. Je savais que quelque chose n'allait pas chez elle. Elle refusait de l'admettre. Jusqu'à ce qu'elle me dise la vérité. Elle était possédée par une idée. Une certaine idée, toute simple. Qui changeait tout. Que notre monde n'existait pas et qu'elle était obligée de s'éveiller afin de revenir à la réalité. Si l'on voulait rentrer chez nous, il était nécessaire de se tuer. Supposez qu'il existe une machine à expérience qui soit en mesure de vous faire vivre n'importe quelle expérience que vous souhaitez. Des neuropsychologues excellents dans la duperie pourraient stimuler votre cerveau de telle sorte que vous croiriez et sentiriez que vous êtes en train d'écrire un grand roman, de vous lier d'amitié ou de lire un livre intéressant. Tout ce temps-là, vous seriez en train de flotter dans un réservoir, des électrodes fixées à votre crâne. Faudrait-il que vous branchiez cette machine à vie, établissant d'avance un programme des expériences de votre existence ? Si vous craignez de manquer quelque expérience désirable, on peut supposer que des entreprises commerciales ont fait des recherches approfondies sur la vie de nombreuses personnes. Vous pouvez faire votre choix dans leur grande bibliothèque ou dans leur menu d'expériences, choisissant les expériences de votre vie pour les 2 ans à venir, par exemple. Après l'écoulement de ces 2 années, vous aurez 10 minutes ou 10 heures en dehors du réservoir pour choisir les expériences de vos 2 prochaines années. Bien sûr, une fois dans le réservoir, vous ne saurez pas que vous y êtes. Vous penserez que tout arrive véritablement. Alors, vous brancheriez-vous ? C'est à Robert Nozick que l'on doit le texte que je viens de lire, Lionel Nakache, dans Anarchie, État et Utopie, qui date de 1974, qui donc présente cette hypothèse d'une machine à laquelle vous pourriez vous brancher et qui vous ferait vivre toutes les expériences de votre choix. Est-ce que vous préféreriez passer votre vie branchée à cette machine et vivre ce que vous voulez, ou être dans la réalité ? Eh ben, c'est exactement aussi la question que pose l'extrait qu'on a entendu d'Inception, dans lequel Cobb raconte que son épouse, elle, alors qu'ils étaient dans la strate inférieure des rêves, qu'il appelle les limbes, a perdu pied, justement, ne savait plus que ce qu'elle était en train de rêver, et donc a fini par vouloir se tuer, puisque dans le film, c'est la mort, finalement, qui permet de sortir d'un rêve. Ouais, c'est extrêmement fascinant, parce que c'est un phénomène complexe et qui renvoie à plusieurs choses. Parce que il y a d'abord ce film, mais évidemment, en écoutant cet extrait, on pense aussi, par exemple, à des suicides de sectes apocalyptiques, d'arrivées du fin du monde, qui sont arrivées. Pas les fins du monde, mais les suicides collectifs, avec des états d'esprit qui semblent assez proches de ça. C'est-à-dire, en fait, la notion d'un réveil. C'est-à-dire qu'il faut se réveiller pour arriver à sortir de cette torpeur dans laquelle on a l'impression de baigner, qui nous paraît réelle, mais qui n'est pas réelle. Un peu une forme de, on pourrait dire, un peu les mêmes modes de réflexion que dans le complotisme, on pourrait dire. C'est une chose où on a l'impression qu'on est on a une lucidité extrême, supérieure à celle des autres, mais qui va nous conduire à la disparition, qui va nous conduire à faire ça. Donc il y a cet aspect-là qui est tragique aussi. Mais en écoutant, pourquoi je trouve ça compliqué, il y a plusieurs aspects, c'est que dans l'extrait, on entend en fait Marion Cotillard, Ariane, elle ne s'appelle pas Ariane. Marion. C'est Mal en anglais. Voilà, ouais. Qui dit « j'ai choisi d'oublier » ou lui dit « elle a choisi d'oublier ». Et là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, j'ai choisi d'oublier, consciemment, volontairement, comme agentivité, c'est moi qui décide. Et ensuite, elle n'arrive plus à retrouver la clé de cette intention consciente. C'est-à-dire qu'elle n'arrive plus, parce que si elle a choisi d'oublier, elle pourrait très bien aussi revenir sur sa décision. Donc là, ça illustre pour moi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a ces phénomènes assez complexes. Consciemment, vous faites quelque chose, ça a une conséquence qui dépasse votre conscience et à laquelle vous pouvez parfois ne plus échapper. Et là, je le rapprocherai de ce qu'on appelle ces phénomènes de conversion hystérique. Vous n'arrivez plus à bouger votre bras, vous ne savez plus pourquoi, mais parfois, initialement, c'était initié par une sorte de volonté consciente dans un contexte traumatique, etc. Mais ensuite, vous perdez pied, comme ici. La deuxième chose, c'est que quand on suit le film, effectivement, on sait que le remords de Cobb, c'est que c'est lui qui a inséré cette idée. Donc là aussi, on a cet aspect d'illusion d'une causalité psychique sur soi-même, de dire « j'ai choisi d'oublier », alors qu'en fait, c'est pas elle qui a choisi. Elle aurait reçu dans le scénario de ce film, elle aurait été manipulée par Cobb pour une bonne raison, etc. Donc il y a cette deuxième facette aussi. Nous, moi, je connaissais le texte de Putnam, « Brain in a vat », mais en fait, le fait de sortir de ça et de le dire « le cerveau dans une cuve ». Cerveau d'une cuve, mais alors, maintenant, on sort de la cuve, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on y retourne ou pas ? C'est une vraie question. Oui, la réponse, personne n'a la réponse. Et on en revient à ce que vous disiez aussi de ce qui va animer vos... Alors ensuite, vous pouvez appeler ça le principe de plaisir, les valeurs aussi auxquelles vous adhérez. Et ça, c'est un autre champ de domaine. C'est que nos valeurs, elles sont extrêmement... elles sont pas chaotiques, mais elles sont affectées par ce qu'on fait. C'est-à-dire que l'importance qu'on accorde aux choses, même des principes, même parfois éthiques, sont influencés par nos actions. C'est-à-dire que Donc là aussi, on pourrait essayer d'explorer cette dimension-là pour ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on va choisir de revenir d'abord parce qu'on va se dire, en fait, comme dans le passage de Matrix aussi, où un des personnages dit, je préfère avoir l'impression de manger un bon steak, même si je sais que c'est pas un vrai steak, mais j'aurais, je sais pas si vous voyez. Mais est-ce qu'on choisit le plaisir ou la réalité, au fond, c'est ça? Voilà. Si on choisit la réalité, c'est parce qu'on tient à la notion d'identité, on veut exister vraiment. Oui, mais du coup, il y a un aspect un peu naïf qui se mord la queue, c'est qu'effectivement, si on revient, sans se la jouer cartésien naïf, mais de se dire, la seule chose dont je sois certain, c'est ce dont je fais l'expérience. Tout le reste, ensuite, je fais l'expérience de quelque chose. Le fait de faire cette expérience, ça me semble indubitable. Maintenant, est-ce que cette expérience est réelle, rêvée, imaginée, simulée? J'en sais rien, en fait, au moment où je la vis. Mais par contre, il y a une réalité de moi en train de vivre quelque chose. Même si ce quelque chose n'est pas ce que je crois qu'il est. Mais moi, en train de vivre quelque chose. C'est l'expérience. Ouais, cette expérience, en tout cas, c'est comme ça que moi, je me le représente. C'est-à-dire qu'en réalité, le seul point d'assise qu'on a, c'est ça, c'est de se dire... et de revenir à cette définition de la conscience comme rapportabilité subjective, c'est le fait de se rapporter à soi-même quelque chose. Je ne sais pas si ce que je me rapporte, c'est un rêve, un souvenir, une hallucination, une imagination, une perception, mais je sais que je suis en train de me rapporter quelque chose. Et ce truc-là, c'est le garant de mon existence, on pourrait dire. Voilà. Oui, puisqu'au fond, qu'est-ce que ça change? Combien même nous serions en train de rêver? Oui, absolument. Absolument. Sauf si l'un de nous deux est un rêveur lucide. Voilà. Et parce que le rêveur lucide, on n'en a pas beaucoup parlé, mais le rêve lucide, c'est ce qui, il y a une catégorie de la population. Alors, ça peut arriver à tout le monde. Il y a des gens qui le font assez souvent, qui peuvent réellement, comme dans le scénario d'Inception, savoir qu'ils sont en train de rêver. Et ça donne lieu à des manips extraordinaires. C'est-à-dire que la manip la plus simple pour savoir si, donc quand on rêve, je vous dis, on est paralysé. Il y a que nos yeux qui peuvent vraiment bouger. Donc, vous dites à quelqu'un, tu vas dormir, mais au moment où tu as l'impression que t'es dans un rêve et que tu sais que tu rêves, on se met d'accord sur une sorte de code morse un peu, de mouvement, de séquence. Et donc, vous êtes comme ça, vous êtes rivé devant quelqu'un qui dort, il y a des électrodes qui ont eu son cerveau et qui enregistrent les mouvements de ses yeux, et sur votre écran, à un moment donné, au bout, je sais pas, de 2 heures, vous voyez, tu, et donc, il est en train de vous dire, je rêve. Et ah oui, il est conscient à ce point. Ouais, il ouais, peut envoyer un message ouais, morse avec ses yeux. Ouais, et donc, du coup, certains collègues, Isabelle Arnul fait d'autres, essayent maintenant de faire une communication dans les deux sens. C'est-à-dire de délivrer des informations aux rêveurs. Parce qu'en réalité, on pensait que le cerveau d'un rêveur est déconnecté du monde extérieur, mais en réalité, non. Il est pas donc, il y a des moyens d'essayer de communiquer avec ce que vous êtes en train de rêver. Donc voilà, donc on peut donc quand on est un rêveur lucide, il y a des astuces dans le film, il y a les totems. Oui, exactement. Et donc les totems, en fait, ça revient souvent à identifier un objet ou une conduite qu'on peut avoir dont la présence signerait les violations des lois de la physique. J'ai un copain, Arnaud Delorme, qui est un grand chercheur sur le sommeil en Californie et à Toulouse. Il me racontait ses astuces. Donc, parmi les astuces, par exemple, si vous passez la journée à essayer de vous étirer le bout de l'ongle, vous dire, je passe, par exemple, ma pince pouce index sur mon index de l'autre main pour essayer d'étirer, me faire grandir mon doigt. Évidemment, ça va pas marcher, hein. Mais si je fais ça toute la journée, il y a de fortes chances qu'en dormant la nuit, je commence à le faire. Et si dans mon rêve, le doigt grandit, ça me donne un indice qu'en fait, ouais, s'il a grandi, c'est un peu comme la toupie qui s'arrête pas. Exactement. Il y en a plein d'autres. On peut faire avec des aiguilles. Donc, il y a tout un ensemble d'astuces pour essayer de devenir plus lucide de ces périodes bizarres. Eh ben, on va s'y essayer. Merci beaucoup, Lionel Nakache, d'être beaucoup. Venu ce matin Merci. Nous parler d'Inception. On le regardera d'un nouvel œil maintenant. Je renvoie donc au livre qui paraîtra le 30 septembre prochain aux éditions Odile Jacob, qui s'appelle Le cinéma intérieur. On se quitte avec la chanson du film Inception qui revient à plusieurs reprises dans le film et qui montre que peut-être rêve ou réalité, peu importe. Finalement, l'essentiel est peut-être de ne rien regretter. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. D'Edith Piaf à Aurélien Bélanger sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure de retrouver la chronique quotidienne d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien Mélanger. Bonjour Adèle. Vous vous demandez ce matin si les deux livres de métaphysique française les plus importants de ces 20 dernières années existent vraiment. Ce sont en tout cas des livres qui n'ont pas été édités et que très peu de gens ont lus. Le premier, c'est la thèse du métaphysicien Quentin Meillassou, une thèse soutenue à la fin des années 90 sur l'inexistence divine. Et l'autre, c'est la réponse à celle-ci par le romancier et philosophe Mehdi Belhaj Kassem, une réponse qui s'appelle l'effet Meillassou et qui prétend raconter à quel point cette thèse inédite, qu'il s'est procurée mieux qu'un bootleg de Dylan sur une clé USB dérobée à la bibliothèque de l'école normale sup, si cette thèse serait le dernier grand livre de philosophie du 20e siècle. Sur Internet, ce livre promis par Mehdi Belhaj Kassem, l'effet Meillassou, est annoncé pour le 31 décembre 2099. Ah oui, donc c'est une conversation qui aurait le temps pour elle. Hein. C'est une définition possible du génie. Le compte-rendu que fait en attendant Mehdi Belhaj Kassem de sa lecture pirate de la thèse de Meillassou ne manque en tout cas pas d'enthousiasme. Il y a, déclare-t-il, dans ce livre un feu qu'il faut tout bonnement remonter au jeune Schelling, au Hegel de la phénoménologie de l'esprit, à Nietzsche, à son meilleur. J'avais lu, en 2006, le premier livre de Meillassou, un livre donc postérieur à cette thèse mythique, un livre qui s'appelait « Après la finitude » et qui s'attachait à démontrer la nécessité de la contingence. Pourquoi le libraire que j'étais alors l'avait lu? Parce que des clients m'avaient dit qu'il s'agissait du plus grand livre de philosophie de la décennie. Des clients qui se sont avérés être, c'est finalement un moment assez touchant de ma vie de libraire, les propres parents du métaphysicien. Était-ce un livre génial alors? Je ne sais pas, mais qu'après 15 ans, je m'en rappelle assez bien, est plutôt bon signe. L'enthousiasme de Mehdi Belhaj Kassem à propos de la thèse fantôme de Quentin Meillassou est moins nuancé. On serait là face à, je le cite, « un livre assurément génial de la part d'un auteur conscient de son génie, dans l'orgueil le plus hautain comme dans la plus extrême modestie. L'auteur sait quelle chance il a eu si tôt d'être foudroyé par quelques idées maîtresses inouïes, s'imposant avec la force d'universelle évidence future. L'ancien libraire en moi salue l'excellent argumentaire de vente. Hélas, l'œuvre demeure inédite. Et ce n'est pas là le moindre de ses mystères. Bon alors Aurélien, qu'est-ce qu'il y aurait dans cette œuvre inédite? Qu'est-ce que serait ce fameux effet Meillassou? Alors ça serait quelque chose de l'ordre d'un retour aux choses mêmes, comme au bon vieux temps antique ou médiévaux, dit Mehdi Belhaj Kassem, la brusque réouverture d'une possibilité métaphysique qui sera connue après lui sous le nom de réalisme spéculatif. Mais l'effet Meillassou, pour Mehdi Belhaj Kassem, serait beaucoup plus que cela encore. Oui, vous dites qu'en fait Mehdi Belhaj Kassem serait, ou peut-être serait-il le meilleur attaché de presse qu'on puisse imaginer. Mais alors, justement, qu'est-ce que Meillassou a à vendre? Quelle est sa percée métaphysique décisive? Ce serait d'avoir établi la nécessité de la contingence. Il est nécessaire que rien ne le soit. On jugera, selon ses préférences, cette décision philosophique absurde ou merveilleuse. Sans me prononcer, je trouve pour ma part qu'un univers où tout serait contingent a presque autant de charme que l'univers absolument nécessaire de Spinoza. La vision métaphysique que j'en ai furtivement me glace et m'enchante. Également, que tout soit absolument tenu ou totalement desserré, cela participe bizarrement du même sublime métaphysique. Le monde de Meillassou est presque aussi beau que celui de Lucrèce, un monde d'atomes aléatoires. À ceci près que le clinamen, cher aux philosophes antiques, ne viendrait plus des rares trajectoires qui bifurquent au milieu d'une pluie d'atomes qui tombent en parallèle, mais qu'il tiendrait au contraire de ces rares mouvements échappés du chaos qui se coordonneraient soudain et qu'on dirait pincés par la grâce. Je me suis souvenu alors que je connaissais une phrase, une seule, de la thèse inédite de Quentin Meillassou, la plus centrale et la plus fascinante, que si Dieu n'existe pas, alors tout est possible, y compris que Dieu existe. Merci beaucoup Aurélien Mélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle en compagnie d'Avril Poignant-Legoff, Clara De Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui réalise pour vous cette semaine, Anthony Thomasson à la prise de son. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour du cinéma de Christopher Nolan, dans le cerveau de Christopher Nolan, on y était vraiment aujourd'hui. Et on y restera demain en compagnie du philosophe Richard Mametot pour évoquer Batman. On se demandera notamment si Batman serait un réac, comme on l'appellerait aujourd'hui, c'est-à-dire est-il à contre-temps de toute une idéologie qu'on essaiera de définir demain à partir donc de la trilogie autour de Batman réalisée par Christopher Nolan. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et j'en profite pour vous annoncer la sortie du nouveau numéro de Papier, la revue de France Culture numéro 34, l'Amérique et ses complexes, c'est le thème de cette revue. Restez à l'écoute sur France Culture.